Buddy Knight, show me a longer time. On va parler de soccer avec notre ami Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence soccer au Saint-Jean. Il y a une grosse nouvelle qui est tombée pas mal à la même heure hier. Salut Benoît. Salut Danny. Benoît, effectivement, grosse nouvelle qui est survenue hier. Écoute, Kevin Gilmour, on doutait qu'il y avait quelque chose qui se tramait parce que Jérémy Filosa a marqué, qui est très bien branché sur le CF Montréal encore, a marqué lundi soir. Ça voulait dire qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient sur l'Impact, sur le CF Montréal. Mais jamais qu'on aurait pensé que Kevin Gilmour ait démissionné. D'abord, première question, selon toi, là, y a-t-il démissionné ou il a été forcé de démissionner? Selon moi, je pense que c'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux. C'est une entente qu'ils ont dû avoir avec le propriétaire, M. Stapito, à mon avis. Parce que, on va se rappeler, quand Kevin Gilmour est rentré en pouce, il avait parlé de... On a vu ça dans les articles de journaux, puis tout ça, Danny, là. Il y avait un chantier, il y avait des plans, il y avait un plan derrière tout ça. Exemple, vendre plus d'abonnements, prendre soin des partisans, amener les gens jusqu'au stade, ça a plutôt ciblé les régions, reviser l'horaire des matchs extérieurs à domicile, embaucher peut-être des stars, stabiliser l'effectif. Il y avait d'autres points aussi, puis on s'aperçoit à la fin de tous ces points-là, il n'y a pas grand-chose qui a évolué, en tout cas, là. Je pense qu'avec une entente, c'est quand même bizarre de voir arriver ça là, à deux matchs de la fin de saison. Ben oui. Est-ce que le Montréal fera les séries ou pas? On aurait même pu attendre. Il y a un match très important ce soir en plus de ça. Oui, on aurait pu attendre un peu à la fin de saison, après l'entre-saison pour décider de tout ça. Mais oui, le gros point, Danny, on sait que c'est le rebranding. Tu sais, Danny, on en a parlé plusieurs fois. J'en ai parlé à Ça parle photo là avec les gars, mes amis, les gars de la région. On était tous contre ça. Oui, on peut bien mettre dans tout ça la pandémie puis tout ça qui a pas aidé au niveau économique et puis tout ça. Mais je pense que le gros facteur, Danny, c'est vraiment l'histoire du rebranding, veut ou veut pas, arriver au stade avec la famille et voir Gilmour décoller. On l'a vu, la bannière de la zone 132. On peut parler du 132 aussi, des ultras. On a peut-être mal géré cette histoire-là. Au lieu de prendre les récalcitrants, on aurait pu s'arranger pour les mettre extérieur du stade. Ben non, on a fermé la zone au complet. Il y a eu des gros coups, puis c'est surprenant de voir arriver à ce moment-là. Mais je pense que c'est une entente, là, une bonne entente entre les deux pour dire, dans ton propos de début là, de chronique, là, est-ce que t'as mis dehors ou c'est lui qui a pris la décision? Je pense qu'il y a un peu des deux dans tout ça. Là. Effectivement. Puis là, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que tu penses c'est la grande question? Moi, j'espère que oui. Est-ce que l'Impact va revenir? Ça a coûté plusieurs millions de dollars. C'est sûr que ça a coûté des millions et des millions. Par contre, on dit, c'est quoi le proverbe? On dit une faute à moitié avouée, à moitié pardonnée. Ben, je pense que quelque part, c'est de mise. Hein. Les gens, ça fait unanime. On espère ça. Tout le monde espère ça. Mais c'est des gros dollars. C'est sûr, c'est des gros dollars. Juste faire le rebranding, tout ce qu'ils ont fait au niveau de l'équipement, au niveau de la marchandise, de l'Impact, du club, du CF Montréal, on revient en arrière. Ça, c'est déjà fait. Tu sais, on en a parlé un petit peu, toi et moi. Ça s'est fait dans d'autres clubs en MLS. Tu parles du coup de Columbus également. Je crois. Ça s'est pas fait aussi. C'était peut-être pas allé aussi loin que ça. Mais il reste que c'est revenu en arrière. Moi, je pense que pour donner un peu de bonbon aux fans, pour terminer sans beauté, est-ce qu'on va. J'espère, personnellement, j'espère que ça va revenir, parce que moi, le logo de l'Impact, oui, mais je t'en ai parlé d'années aussi, puis je me posais même la question personnellement, parce qu'on voyait sur le logo le fleur de lys, qui est le sigle du Québec, est-ce que ça dérange ça? Est-ce que ça dérangeait en arrière de tout ça? Ben, on sait pas, Danny, t'es pas au courant de tout, on n'est pas au courant de tout ça. Il y a peut-être des choses qu'on sait pas, il y a sûrement des choses qu'on n'est pas au courant, ça c'est sûr, mais quand dans le mot du club hier, qu'on a reçu par la communication média du club, on parlait de M. Gilmour était au niveau de la famille, c'était difficile, le rebranding, la pandémie, on a mélangé tout ça. pense que le rebranding a fait pas mal plus mal. Bon, la pandémie, c'est pas le seul à avoir vécu la pandémie, là. Mais pour le rebranding, c'est pas mal le seul qui l'a vécu assez fort comme ça, qui l'a eu à travers la gorge tout au long de la saison, là. D'ailleurs, on n'a plus les 132 qui sont là. C'est pour ça que je te dis. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Est-ce qu'on va terminer la saison comme ça? Moi, d'après moi, oui. On va annoncer un nouveau président, j'ai l'impression, parce que Joey Saputo a mentionné qu'il ne se voyait pas revenir comme président. J'ai hâte de voir la suite. Je souhaite ardemment, Danny, un retour du logo et de l'impact de Montréal. Ça va prendre quel genre de président? Moi, j'ai une bonne idée. Écoute, ça va prendre un gars dynamique, un gars qui est un Larry Smith. J'ai beaucoup de respect pour Larry Smith. Est-ce que c'est quelque chose, c'est quelqu'un de même que ça prendrait? C'est pas lui parce qu'il est trop âgé, puis c'est un gars de football. Mais ça va prendre un peu, tu vois un peu le personnage. Un gars qui est ouvert, un gars qui est pas prétentieux, puis qui va changer également l'allure de cette équipe-là. Là. Moi, c'est le même que je vois ça. Tu parles de prétentieux, prétention. À mon avis, je trouvais Kevin Gilmour de prétentieux. Par la force des choses, on dirait que là, il est rendu prétentieux. Bon, là, je ne sais pas ce bout-là, je ne suis pas certain. Je ne crois pas que ce monsieur-là soit un prétentieux. Il a voulu faire un mot. Non, mais avoue que c'était quand même... l'organisation est très prétentieuse, là. On va se le dire, là. Non, on parle d'organisation. Oui, mais l'organisation prétentieuse, ben Kevin Gilmour prétentieux. Ben, c'est plus l'organisation que je te parle. Les choses. Oui, mais en tout cas, démêlons les choses. Mais là, je te dirais, par rapport à Larry Smith, qui est un passionné, il faut le dire, oui, un Larry Smith, je suis bien d'accord avec toi, un Larry Smith, mais un gars de passionné, ça prend de la passion, ce cœur, football, et c'est peut-être l'argument, le thème, on est allé chercher ce monsieur-là disponible, mais au bout du compte, il l'avait dit dès les premières entrevues qu'on l'a vu, c'était pas un gars de soccer et un gars de football, et je pense que ça en prend un, ça prend un peu de passion pour la discipline. Ça prend un vendeur aussi, ça prend un gars côté administratif, ça prend un bon vendeur qui a des belles visions, mais qui a un peu d'amour pour la discipline. Et c'est ce que je pense qu'il n'avait pas. D'ailleurs, probablement que si ce monsieur Gilmour-là avait eu un peu d'amour pour le sport qu'il prônait pendant les deux dernières années, il n'aurait pas fait, avec la culture, avec la connaissance de cause, il n'aurait pas fait le move du rebranding qu'il a fait. Voilà, c'est vraiment incroyable. Parce que, écoute, ça fait l'unanimité. Puis surtout, tu sais, quelque part, c'est quelque... Tu sais, le soccer au Québec, c'est à construire encore. Puis, tu sais, déjà, d'avoir mis la chicane avec les ultras, ben, quelque part, ça part mal, là. Les ultras, c'est des fans, là. C'est les fans purs et durs, là. Entièrement d'accord, mais quand tu dis le soccer est à construire encore, le soccer est ce qui est rendu là. Quand tu dis à construire, c'est parce qu'il devrait peut-être avoir d'autres organisations dans d'autres villes au Québec, comme exemple la ville de Québec. La mentalité de soccer, il y a encore beaucoup de monde qui parle de hockey puis soccer. La mentalité ne changera pas, ça ne changera pas, ça évoluera pas, parce que les médias sont encore full bandés sur les Canadiens, puis ça ne changera pas, ça. Ouais. C'est clair que ça ne changera pas. Donc, l'évolution va se faire par les réseaux sociaux, les médias comme ça, parce que les vrais médias, ils n'en ont rien à cirer du soccer. On laisse la place de temps en temps pour donner la nouvelle, mais gars, on s'en fout, on passe à un autre niveau. OK, l'autre niveau, c'est les réseaux sociaux, c'est les médias, et c'est comme ça, les médias sociaux, comme je te dis. Donc, c'est comme ça qu'on va réussir à s'en sortir. Quand tu dis que le soccer est à développer encore, ben oui, je te dis oui, parce que ça prend des villes comme Trois-Rivières, comme Québec, qui vont avoir des clubs, peut-être dans la CPL League dans le futur. Maintenant, pour ce qui est du club Montréal, ça fait 20 ans qu'on est là. Alors, ramenons l'impact, ramenons peut-être un gros joueur, donnons du bonbon à nos fans. Moi, je te dis ça pour le début de saison 2022. Alors, peut-être qu'à soir, on va remporter le match et avoir un gros match ce dimanche important contre Orlando et nous permettre d'accéder aux séries. Mais encore là, Danny, les séries éliminatoires de la MLS, c'est pas si la fin du monde que ça non plus. Parce que, écoute, c'est un match. Ça va jouer un match à l'étranger. Tu perds. C'est juste ça fait de dire, oui, on a participé aux séries. Parce que sinon, c'est un match. Tu perds, tu gagnes, tu avances. Tu penses, tu débarques, mais que c'est pas si des grosses aventures que ça, les séries-là. Non, effectivement. Moi, je pense que le championnat canadien contre Toronto est beaucoup plus important cette année de remporter ça pour nous amener à la Ligue des champions contre CONCACAF à l'année prochaine. Parce qu'on s'entend que même si le CF fait les séries, pas sûr qu'on va aller bien loin quand même. T'sais, on peut peut-être faire un match ou deux, mais de là aller gagner la Coupe MLS avec ce qu'on a comme élément, à moins que Kyoto soit en feu, puis Wanyama revienne en forme, ça me surprendrait beaucoup. Donc, si on fait des séries, c'est beau, mais la Ligue des champions, l'accès à la Ligue des champions, pour moi, est très important. Est-ce que il y a quand même eu quelques bons coups là, dans le cas de Gilmore? C'est Olivier Renard, c'est quand même pas mauvais, là. Olivier Renard, c'est excellent, ouais. Mais il faut savoir aussi qu'Olivier Renard, c'est une structure de jeunes. On forme des jeunes, de bons joueurs, avec Wilfried Nancy aussi qui a fait une très belle saison, c'est une surprenante saison, mais avec des stars, Wilfried Nancy arriverait avec une vedette ou deux, comment ça serait? Est-ce que le club sera ouvert à aller chercher un joueur, un renom à Montréal? Est-ce qu'on va être ouvert à ça ou on va être... Où est-ce qu'on, Danny, on va être saison après saison à toujours penser faire les séries avec des jeunes joueurs excellents qui vont partir, qui vont arriver, qu'on connaît pas, qu'on nous vend ici et là. On parle de Gilmore, mais il y a toute l'histoire de l'Impact depuis des années, Danny. Oui, c'est une organisation jeune, mais là, elle a au-dessus de 20 ans. Là, on peut-tu, tu sais, je veux dire, on a un président, je pense, qui a mis une ligne de pensée. Il a fait des bonnes choses, je pense, ça, c'en est une. La ligne de pensée, la ligne de conduite. Mais la ligne du rebranding, ça n'a pas été la meilleure ligne là, qu'il a faite. C'est vrai, ça. Oui, effectivement. Il y a un autre aspect que j'aimerais te parler aussi, que le club de l'Impact, que le CF Montréal, c'est pas impliqué du tout. Lorsqu'on a annoncé le retrait de Montréal à la Coupe du Monde, on sait que la FIFA avait de grosses demandes. Mais ça... On en a parlé d'Annick Francis Millien, rappelle-toi, ouais. Et ce qu'elle disait, c'est du deal, ça. La FIFA, faut que tu deals avec eux. Bon, ils arrivent avec ça, ben toi, t'arrives en contrepartie, tu demandes d'autres choses, il aurait pu avoir un deal entre les deux, les organisations, la ville. La ville, c'est balayer les mains, elle dit, OK, ça coûte trop cher, on va pas plus loin que ça. Le CF, le club professionnel, en a pas parlé, mais pas du tout, a comme acquiescé, a dit oui à la demande. Et là, on se retrouve avec le plus gros événement de la planète. On aurait pu avoir quelques matchs. On sait très bien que ça aurait pu revamper le stade olympique. Et par la bande, on vient de perdre encore un autre élément de la ville de Montréal. Moi, je m'attendais même que Denis Coderre allait en parler dans sa Non, dans, mais ils sont plus préoccupés par l'environnement. Non, mais je veux dire, Coderre, avant que tu étais maire, il voulait la Coupe du Monde à Montréal. Ah ouais, comment ouais, ça se fait ouais. qu'il en Ben non, mais c'est parler de mots. Ouais. Ouais. Parce que le sport, c'est pas vendeur au Québec. Le sport, c'est vu comme une dépense. C'est pas vu comme. C'est ça. Il a même pas parlé des expos. Il a même pas parlé du retour du baseball là, dans sa campagne électorale. Puis s'il y en a un qui travaille pour le retour. Et moi excusez-moi l'expression, mais j'ai débandé sur le retour du baseball, là. Mais il n'a pas parlé non plus, là. Ben, c'est parce que probablement c'est pas vendeur. Conseiller de pendant. Il s'est sûrement fait dire par ses conseillers de pas en parler, il fallait pas parler de ça. Donc, il est allé dans d'autres chemins. Oui, effectivement. Donc, on se reparle bientôt, Benoît. Et vendredi, je vous dis tout de suite, on va parler avec Jérémy Filosa qui du 98.5. C'est lui qui a sorti, pas la primeur, mais qui disait qu'il y avait quelque chose de gros qui s'en venait chez le CF, alias l'Impact. Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, oui, merci beaucoup. On s'en parle d'année, puis comme je te dis, l'Impact en série, le CF en série, le retour de l'Impact en 2022 avec une participation en Ligue des champions CONCACAF. Bingo, on ramène le monde au stade. Merci, bonsoir. Merci. Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com.